Audiomatic. Parce qu'il fallait amorcer la séquence 1-3-9 d'Audiomatic pour qu'elle puisse exister, nous avons concrétisé son introduction avec le projet Digits du Torontois Halt Haltman et la chanson You're Going to Age de son album Hold It Close. Grâce à leurs œuvres littéraires, visuelles et musicales, Les artistes reflètent le continuum temporel de l'humanité. L'ensemble des œuvres produites par l'homme devient le fil conducteur du passé au présent et du présent au futur. À travers le temps, grâce à leur art, les artistes témoignent de contextes, de constats, de préoccupations et d'analyses sur leur époque. En revisitant des œuvres uniques ou plus globalement des courants artistiques, même dans des époques lointaines, nous accédons à des bribes de notre passé. Et demain, les compositions musicales que les électronistes choisissent de diffuser à travers leur transmission hebdomadaire d'audiomatique constitueront des fragments de notre époque. C'est le fil conducteur du présent vers le futur. En fait, la musique lie le passé au futur de l'humanité. Elle devient le fil de la mémoire. El fio da memoria que nous, comme nous le présente à l'instant l'artiste brésilienne Luisa Maita. Vai chorar mil anos daqui. Quem roubou tua história? Foi quem te amou demais. Também chorou, viu fio da memória. c'est dans le style Deep House préconisé par le projet Recondite que nous concluons cette séquence musicale grâce à la pièce Tame tirée de l'album Ify. Avant Recondite, nous écoutions une pièce du tout nouvel album du projet L'Usine de l'artiste Jeff McIlwain, soit la composition Taking Hands qu'il a réalisée avec sa femme Sarah McIlwain qui appose sa voix sur la musique composée par son mari. Ce nouvel album de L'Usine s'intitule Sensory Motor et paraît sur l'étiquette Ghostly International. Et en début de bloc, c'était l'artiste Luisa Maita et la pièce-titre de son plus récent album, Fio da Memoria, paru en 2016. Poursuivons en musique à Audiomatique avec le groupe américain Benistrophy. We'll be right back. Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatique l'artiste allemand Alexander Kowalski et sa composition « It's been a long way » Redux Mix du mini-album « The Heat of the Night ». La musique d'Alexander Kowalski était précédée du projet montréalais « Freeworm » mené par Vincent Letellier qui nous présentait sa composition « Grand Manje » Loco Locas Mix de son premier album Vegetation Equals Fuel. Et pour débuter, il s'agissait du groupe américain Benestrophy, fondé principalement par les frères Dwayne et Gary Dassing, qui ont également créé le groupe Mentallo and the Fixer au début des années 90. De Benestrophy, nous vous avons fait jouer la chanson Ritual de leur album Sensory Deprivation. Allons-y maintenant à Audiomatique avec Falling You. We'll be right back. Thank you. C'est sur la musique de Conjure One, le projet de l'artiste canadien Rhys Fulber, que se terminait cette séquence musicale de deux pièces. De son premier album homonyme Conjure One, nous écoutions la pièce Years. Et avant, c'était Falling You, le projet du compositeur américain John Michael Zorko. Nous entendions la pièce titre de l'album Mercy, pièce musicale sur laquelle la chanteuse Jennifer McPeak apposait sa voix. Mercy est le premier album de Falling You paru en 1998. La fin est proche à Audiomatic, mais elle augure bien pour la suite des choses. Nous conclurons cette transmission avec le projet CEO du Suédois Erik Berglund, qui fait aussi partie du duo de Tough Alliance et qui est à la tête de l'étiquette de disque indépendante Sincerely Yours. De son projet CEO, nous entendrons la chanson-titre de son premier album, White Magic, paru en 2010. Les électronistes vous présenteront la transmission 140 d'Audiomatic mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, vous pouvez accéder aux choix musicaux des électronistes en tout temps et en tout lieu dans les univers numériques. S'agit seulement de nous retrouver sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici CEO et la chanson White Magic. C'était Audiomatic avec les électronistes. À la semaine prochaine.